الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم. أما بعد، aujourd'hui ce sera le hadith 22. الحديث الثاني وعشرون. قال المؤلف رحمه الله تعالى، يعني الإمام النووي، قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: بل aujourd'hui ce sera, on va prendre deux hadiths, inshallah, deux hadiths, car les explications sont courtes. Elles sont courtes. Donc, inshallah, on va essayer de les prendre les deux en un seul ders. En fait, c'est le hadith al-hadi wa ishrun, c'est le 21e hadith, ou le hadith al-thani wa ishrun, le 22e. Naam. قال المؤلف رحمه الله تعالى، يعني الإمام النووي، قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عورة، عن أبيه، عن سفيان بن عبد الله الثقفي، قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو غيرك. قال: قل آمنت بالله فاستقيم. Donc l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, rapporte selon l'imam Muslim, selon Usama ibn Zayd, ou plutôt Sofiane ibn Abdullah al-Thaqafi, qu'il est dit: ô messager d'Allah, informe-moi en islam d'une chose dont je n'interrogerai personne d'autre que toi. Et lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, dit: je crois en Allah, ensuite tiens-toi sur la droiture. Fastaqim. Hein? Tiens-toi sur la droiture. Qala shir rahmatullah alayhi. Ou plutôt Hafizahullah ta'ala. Bien qu'on peut dire Rahmahullah, même un vivant. Il n'y a pas d'interdit, mais bon, c'est vrai que des fois ça peut porter à confusion. Hein? Donc le meilleur c'est dire Hafizahullah ta'ala, wa faqahullah, ou rafalallahu la, ou ainsi de suite, dua, qui n'apporte que du bien. Même Hadahullah, dire à un shir qui est vivant sur la droiture, Hadahullah, ce n'est pas une défamation ou un tort. Tu peux dire Hadahullah. Nous-mêmes, on le dit dans le surat al-Fatiha, Ihdina sirat al-mustaqim. On demande à Allah ce qui nous guide. Donc le fait de dire Hadahullah, ce n'est pas forcément que la personne n'est pas bien guidée ou quoi. Ça peut être, on affirme, on demande à Allah qu'il le guide encore plus. C'est vrai que souvent ce doigt est employé pour les gens dans l'erreur ou ainsi de suite, mais on peut dire Hadahullah même pour une personne de droiture. Et on peut dire Rahimahullah même pour un vivant. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Mais le plus connu, pour ne pas trop troubler les gens, c'est Hafizahullah ou Ta'ala. Non. Donc le shir dit: سفيان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول له في الإسلام قولا لا يسأل عنه أحدا غيره، قولا موجزا نافعا كافيا، فأمره أن يقول: آمنت بالله بلسان الحال وبلسان المقال، مؤمنا مستقيم. لا يكتب غير مستقيم، لكن غير لا pas sa place. Ça serait مؤمنا ومستقيم. Entendez? Là, je sais pas s'il y a un manque aussi pareil. Quand même. Donc il dit que Sofiane ibn Abdullah al-Thaqafi interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une chose qui touche à l'islam. Il lui demandait une parole qui n'aurait à demander à personne d'autre autre que lui, une parole concise, brève, sommaire, profitable et suffisante. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonna de dire: je crois en Allah bilisan al-hal wa bilisan al-maqal. Cette expression en arabe, quand on dit bilisan al-hal wa bilisan al-maqal, lisan al-maqal c'est la langue. À la base, lisan c'est la langue. Wa lisan al-hal wa lisan al-maqal, lorsqu'on dit lisan al-maqal, c'est ce que tu prononces par ta langue. Wa lisan al-hal, c'est tes faits et gestes en fait. Par exemple, des fois on va dire à quelqu'un: قلت ذلك بلسان الحال وخالفته بلسان المقال. Pour dire, tu as dit telle chose par ta langue, mais tu l'as contredit par tes gestes, par tes faits. Souvent, vous allez entendre chez les gens de science, لسان الحال ou لسان المقال. Donc, المقال, c'est les paroles, ou الحال, c'est les faits et gestes, la situation. Donc, lui, il le dit, de croire en Allah par sa langue et par ses actes. Car les actes font partie intégrante de la foi. Hein, les actes des membres, comme on l'a appris, l'iman, c'est l'irtiqad bil qalb, la croyance du cœur, ou un autre bil lisan, le fait de prononcer par la langue, ou l'awam, ou l'amal bil jawarih, le fait d'agir par les actes. Ou des fois, vous pouvez trouver la définition de façon résumée, c'est irtiqad al qalb, ou l'amal. Juste le fait de dire, de prononcer et d'œuvrer. Car le fait de prononcer, ou plutôt, Afouane, le fait d'avoir la croyance dans le cœur est d'œuvrer. Non. Car le fait de prononcer par la langue, cela rentre dans quoi? Cela rentre également dans les actes. Cela rentre dans les actes. Donc des fois, certains disent juste « irtiqad bil qalb » ou « al-amal ». Et dans l'amal, ils incluent dedans le fait de prononcer par la langue. Donc il n'y a pas de contradiction. Donc il lui dit de croire en Allah subhanahu wa ta'ala par sa langue, de le prononcer, de par ses actes. Ensuite il dit, le shir, فَقَدْ يَكُونُ الْشَخْصُ فِي سَائِرِ شُؤُونِهِ عَنْدَوْ مَعَاسِ. Car il se peut que la personne ait des péchés. Hein? Le fait qu'il dise je crois en Allah, cela n'empêche pas qu'il ait des péchés. وَهَذَا رَدُّونَ لَلْخَوَارِجِ الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ بِالْمَعْصِيَةِ. Et cela est une réfutation des Khawarij qui, eux, rendent mécréants les personnes qui commettent des péchés. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qul amantu billah thumma istaqim » comme le cheikh va l'expliquer maintenant. « Falastiqamatu shay'un zaidun ala musamma al-iman qad yakunu mu'minan wa huwa ya'kul shay'an min al-haram wa yakhtab aw yanam » ينمو وما خرج من الإيمان إنما إيمانه ناقص لأنه ما هو مستقيم والإيمان منه كمال ومنه ناقص. Donc il dit l'istiqama, la droiture, c'est une chose en supplément de la foi. Hein? C'est une chose qui est un supplément de la foi et non pas un pilier de la foi. Pourquoi? Car comme il dit, il se peut qu'une personne ait la foi et de l'hymen. Cependant, il consomme par exemple des substances illicites. Il consomme des aliments illicites. Haram. Ou qu'il fasse du riba. Ou de l'anamima. Et, mais que cela ne l'exclut pas de la foi. Ses péchés ne le sortent pas de la foi. Ne font pas de lui un kafir. Donc ce n'est pas tout mu'min qui est mustaqim. Un mu'min, comme cela va venir, car la foi, il y a celle qui est complète et celle qui est réduite. Et la complète, comme nous l'avons dit, elle monte avec les actes d'obéissance. Et la réduite, elle diminue avec les actes de désobéissance. Donc il dit فَيُقَالُ مُسْتَقِيمٌ أَفْضَلُ مَنْ أَنْ يُقَالُ مُلْتَزِمُ فَاللَّفْظُ الْإِسْتِقَامَةُ هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ مُتَمَسِّكُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ وَسَلَّمَ والملازم طاعته عز وجل اما ملتزم فيعبر بها عند الملتزم بالحق والملتزم بالباطل. Donc là le shir il dit quoi? Qu'il est préférable de dire, m'entendez pas? M'entendez? Non. Donc le shir, il dit qu'il est préférable de dire à une personne qu'il est mustaqim plutôt que de dire qu'il est multazim. Car souvent, on entend des gens dire, pour parler d'une personne qui est sur la sunna, sur la salafia, on va dire, Foulen, un tel, c'est un multazim. Donc shir, lui, dit que le terme le plus approprié, c'est le fait de dire mustaqim. Car l'istiqama, la droiture, c'est ce qui a été ordonné par le Coran et la Sunna. Le fait de se tenir, de s'accrocher au livre d'Allah, Azawajel, et à la Sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le fait de dire multazim, multazim, on traduirait par le fait d'être intègre, en quelque sorte, lui, il dit que c'est une expression que l'on emploie par rapport au fait d'être accroché ou à la vérité. D'être accroché à la vérité ou au faux. Takul fulan multazimun bil haqq wa fulan multazimun bil batil. Celui-là est intègre face à la vérité, accroché à la vérité, et celui-là au faux. Mais une personne qui est accrochée à la vérité ne veut pas dire forcément qu'il est mustaqim. Hein? Tout mustaqim, toute personne mustaqim est forcément multazim bil haqq. Mais pas le contraire. Car vous avez trouvé des gens dans l'islam qui reconnaissent que la da'wa salafia est la vraie da'wa. Ils savent que les salafis sont des gens qui sont sur la vérité. D'accord ? Ils le savent. Cependant, tu les vois, eux, ils n'arrivent pas à appliquer et à se tenir sur cette droiture. Tu vas le voir faire des péchés, se raser la barbe, porter des pantalons serrés ou quoi, ou travailler dans la mixité, ou avoir des choses, des péchés apparents, peut-être même avoir encore un manque dans le fait d'arrêter d'écouter de la musique ou ainsi de suite, de regarder d'aller au cinéma, ce genre de choses. Il y en a. Vous m'entendez toujours là? Non. Donc des gens comme ça, il y en a. Vous allez le voir. Il sait que la vérité, c'est la salafia, mais il n'arrive pas à la suivre. Donc lui, on va dire quoi? Lui, on peut dire de lui qu'il est multazim bil haqq. Hein? Qu'il reconnaît la vérité, il la suit. Dans le sens. Quand on dit la suit, c'est pas forcément dans les actes, mais qui sait où est-ce qu'elle est et qui sait vers laquelle se tourner. Mais est-ce qu'on va dire qu'il est mustaqim? Non, il n'est pas mustaqim. Ce n'est pas un mustaqim. C'est un assi. Hein? C'est une personne désobéissante. Mais qui connaît la vérité. Et que si jamais il a une question à poser ou une chose vers qui revenir, il ne viendra vers que les gens de la sunna. Donc lui, il est multazim bil haqq. Mais cela ne veut pas dire qu'il est mustaqim. Non. فالذين استقاموا لله عز وجل بعد إسلامهم بشرهم الله عز وجل بهذه البشرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Donc ceux qui se tiennent droit sur la droiture pour Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'ils se soient soumis, ceux-là ont la bonne nouvelle. Qu'ils se réjouissent de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens où il dit « Certes, ceux qui ont dit « Notre Seigneur, c'est Allah » puis ont suivi la droiture, sur cela descendront les anges qui leur diront « N'ayez pas peur et ne soyez pas tristes. » Donc là, c'est une bonne nouvelle pour ces gens-là qui ont eu la foi et la droiture. « La tahafou mimma yakdumun alayhi wa la yahzanuna ala mafatahum. » وَأَنَّ مُبَشَّرُونَ بِالْجِنَّةِ الَّتِي قَدْ وُعِدَ بِهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَقِّ الْمُسْتَقِيمِينَ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ أَوْلِيَاؤُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الِاسْتِقَامَةِ وَالْمَلَائِكَةُ يُحِبُّونَ أَهْلَ الِاسْتِقَامَةِ لِأَنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. Donc il dit que ces gens-là dont la bonne nouvelle a été faite dans ce verset, qu'ils n'ont pas peur de ce qui va en advenir dans l'avenir, hein, de ce qui les attend. Ils n'ont pas peur. Dans quel sens ils n'ont pas peur? Là, c'est... Là, il parle de lors de la mort. Taban. Parce que là, dans le vivant, on a tous peur. Personne ne sait ce qui nous attend après la mort. Mais là, il parle de ceux qui sont morts sur le stikama. Et qui ont eu la bonne nouvelle des anges, cela leur cœur se rassure. Et qui ne sont pas tristes non plus de ce qui leur a échappé. Car après la mort, beaucoup de gens, ou quand je dis beaucoup de gens, tous, nous laissons des biens à nos familles, des choses qui nous, auxquelles nous étions attachés, des choses qui nous étaient chères. Cependant, il n'y a aucune tristesse à les délaisser car le mu'min dont telles sont les caractéristiques trouvera meilleur que cela. Donc ces gens-là sont, la bonne annonce leur a été faite qu'ils auront le paradis qui leur a été promis dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'elles ont un droit je ne sais pas si on pourrait dire un droit là, mais la chose qui revient plutôt, naam. Car en réalité, il n'y a rien qui soit un droit sur Allah. Bien que dans le hadith venu par Mouaz ibn Jabal, Mahakul ibad al-Allah, quel est le droit de serviteur sur Allah ? Ce n'est pas un droit de sorte que Allah leur doit quelque chose. Non, ça c'est un mérite qu'il leur accorde, une grâce de sa part qu'il leur accorde. Cependant, personne n'a le droit sur Allah subhanahu wa ta'ala. Hein ? Donc là, on dirait plutôt ce qui leur revient, comme Allah leur a promis, c'est que les anges seront leurs alliés en ce bas monde, car ces gens-là sont les gens dans la droiture. Et que les anges aiment les gens dans la droiture, car ils sont croyants. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun d'entre vous ne croira d'une foi parfaite, complète ou véritablement, tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et également, il dit que les anges leur demandent, font du sirfar pour eux, qui demandent pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, allazina yuhammiluna al-arsh. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Donc il dit que ceux qui portent l'arche, Arche Allah, son trône, qui sont autour de lui, et qui l'exaltent de par sa louange, pour la louange de leur Seigneur, et qui croient en lui, et qui demandent pardon pour ceux qui y ont cru. Ils disent, ô notre Seigneur, que tu as englobé de toutes choses par ta miséricorde et ta science, alors pardonne pour ceux qui se sont repentis et qui ont suivi ton sentier, et préserve-le du châtiment de l'enfer. Donc là, on voit dans ce verset que les anges font de l'istighfar pour les mu'minés. Donc ils les préservent, ils les entourent lorsque ceux-ci se rassemblent dans une assise, c'est-à-dire les gens de la droiture, et qu'ils les entourent de par leurs ailes. Wa idha kharaja ahad al-mustaqimin ila ta'ati Allah tabi'ahu malikun. برايته كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من خارج يخرج من بيته إلى وبيده رايتان راية بيد ملك وراية بملك وبيد شيطان فإن خرج لما يحب الله عز وجل اتبعوا الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته وإن خرج لما يسخط الله اتبعوا الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. Donc il dit que les anges, que l'ange, lorsque la personne de droiture sort pour un acte d'obéissance, qu'il est recouvert par un ange avec son étendard. Raya là-bas c'est étendard, une bannière ou une chose, je sais pas si vraiment c'est le terme approprié, mais bon, c'est ce qui vient dans Raya là-bas, c'est ça, c'est un étendard, une bannière, ainsi de suite. Donc dans le hadith rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'est pas une personne qui sorte de sa maison sans qu'il ait deux étendards qui le suivront. Un étendard dans la main d'un ange et un étendard dans la main d'un shaitan. Donc s'il sort pour une chose qu'Allah aime et agrée, alors ce sera l'ange qui le suivra avec son étendard et qui ne cessera d'être sous cet étendard jusqu'à ce qu'il revienne à sa maison, jusqu'à ce qu'il revienne dans sa demeure. et que si par contre il sort pour une chose qui irrite Allah, qui le met en colère, alors il sera suivi alors par un shaitan avec son étendard. Et qu'il ne cessera d'être sous cet étendard de ce shaitan jusqu'à ce qu'il revienne dans sa demeure. Hadith rapporté par Ahmed et qui est authentique. فالذي يخرج في معصية الله ليس بمستقيم يخرج في معصية الله فيتبعه الشيطان برايته ويتولى الشيطان برايته فيصير قرينه. Donc il dit, celui qui sort de sa maison pour accomplir des désobéissances, des péchés, lui sera suivi par Shaitan avec son étendard. Et que Shaitan s'alliera à lui avec cet étendard et qu'il deviendra son allié, son complice. والذي يخرج في طاعة الله يخرج على استقامة فيتولاه الملك. Donc celui qui sort par contre de sa maison dans l'obéissance d'Allah, alors il sera l'ange sera son allié. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Donc dans le sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit que certes ceux qui ont dit notre Seigneur c'est Allah, ensuite se sont tenus sur la droiture, les anges descendant sur eux en leur disant: n'ayez pas peur, ne soyez pas attristés et réjouissez-vous du paradis qui vous a été promis. Nous sommes vos alliés dans la vie de ce bas monde et dans l'au-delà, et vous y trouverez, c'est-à-dire dans le paradis, tout ce que les âmes désirent et tout ce que vous demanderez. Donc là, c'est la bonne nouvelle pour les gens de l'Istiqama. Donc, dans la parole d'Allah, nahnu awliya'ukum, dans le sens, nous sommes vos alliés. Nous sadbitukum, nous vous raffermissons. Wa nahfazukum bi amrillah, nous vous préservons par ordre d'Allah. Wa fil akhirati nuwanisukum min warshatil kubur, et dans l'au-delà, nous vous apaiserons de l'isolement de la tombe, de la solitude ressentie et l'isolement de la tombe. Wa indan nafkh fi sur, et lors du soufflement de la trompe. Lorsque les âmes sont ressuscitées, comme vous le savez, il y aura un soufflement dans la trompe. Et là, les gens sortiront des tombes et se rassembleront. Wayoum al-Ba'th wa an-Nushur. Ce jour de la résurrection, et les gens se rendront auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta tasilu al-Jannati an-Na'im. Jusqu'à ce que vous parveniez au paradis de délices, au jardin de délices. Wala kum fiha ma tashtahi anfusukum. Là où vos âmes trouveront tout ce qu'elles désirent. Wala kum fiha ma tad'un, ainsi que tout ce que vous souhaiterez. Tout ce que vous souhaiterez. وَمَنْ تَوَلَّ الْمَلَائِكَةِ مِنْ مُسْتَقِمِينَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ وَمِنْ تَوَلِّ الْمَلَائِكَةِ الْمُسْتَقِمِينَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ مِنْ قَبْضِ رُوحِهِ أَنَّهُمْ يَسِلُّونَهَا كَمَا تَسِلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْجَنِينِ مِنَ الْعَجِينِ عفوا مِنَ الْعَجِينِ أَمَا الْكَافِرُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Donc il dit, parmi les choses également qui démontrent l'alliance des anges pour les gens de droiture en ce bas monde, c'est ce qui a été rapporté authentiquement dans le hadith d'Al-Barra, lorsque ces anges justement récupèrent les âmes des gens droits, qu'ils sortent cette âme comme un cheveu qui sortirait de la pâte, c'est-à-dire de façon souple. L'âme sortira avec facilité, sans rudesse. D'accord ? Et sans dureté, elle sortira facilement. Mais quant au kafir, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Donc dans le sens, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos des kuffars, lorsque les anges leur arrachent leurs âmes, que si tu voyais, lorsque les injustes, lors des affres de la mort, tu verrais les anges tendre leurs mains pour leur sortir leurs âmes en leur disant: aujourd'hui, vous serez rétribués du châtiment, de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah comme mensonge, et pour vous être détourné orgueilleusement de ces versets. Wa qala ta'ala, ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. Et si tu voyais, lorsque les anges prennent les âmes de ceux qui ont mécru, qu'ils les frappent à leur visage et dans leur dos, et qu'ils leur disent, goûtez donc au châtiment avilissant, ou plutôt au châtiment brûlant, celui du feu. Wali'azubillah. Ça y est. Ensuite, le chien reprend en disant, un autre passage, car là j'ai passé d'autres, c'était beaucoup de versets sur ce point, mais Inch'Allah on va le résumer. Il dit, ensuite dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar » dans le sens, ne vous penchez pas, n'ayez pas de penchant vers ceux qui ont été injustes, car vous seriez touchés par le feu. « Hadha yadullu ala anna rukuna ila zalimina yatanafa ma'al istiqama » ولا تحصل الاستقامة مع الركون إلى الظالمين من اليهود والنصارى والمشركين ومتدعات الركون إليهم يتنافى مع الاستقامة. Donc il dit, ce verset démontre que le fait de se pencher vers les injustes, que cela contredit la voie de la droiture. Cela contredit la voie de la droiture. Comme par exemple, le fait de se pencher vers les juifs, vers les chrétiens, vers les associateurs et vers les innovateurs, que cela s'oppose à la droiture. وقال سبحانه فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. Alors mettez-vous droit pour lui et demandez-lui pardon et malheur aux associateurs. Malheur aux associateurs. ومن الاستقامة ذكر الله والاستغفار والدعاء والإقبال على الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على ذلك. قال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. Donc il dit également, parmi la droiture, le fait de faire du rappel d'Allah, de lui demander pardon, de l'invoquer, hein, et de se consacrer à lui, de sorte à ce qu'il nous raffermisse sur cela, sur la droiture, sur cette même droiture. Et là, il cita le même verset. « Wa alal muslimi an yasal Allah an yahdiyahu as-sirat al-mustaqim, sirat al-lazina an'ama alayhim. Wa hum, kafi kulli ta'ala, al-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin. » Donc il dit qu'il convient au muslim qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guide sur la voie droite, celui, la voie des gens que Allah a comblé de ses bienfaits, ceux qui sont cités dans sa parole dans le sens les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux, et quelle bonne compagnie qu'ils sont, qu'ils sont de la meilleure compagnie. Et là, vous voyez, regardez, dans le verset, « An-Nabiyyin wa Siddiqin wa Shuhada wa Salihin » qu'on voit que le Siddiq, le véridique, est un degré supérieur au martyr. Hein, un Siddiq, celui qui croit pleinement et qui applique, est de degré supérieur au martyr. « Wa Sheikh al-Islam ibn Taymiyyata, rahimahullah ta'ala, allafa kitaban sammahu al-istikama » لأن الاستقامة تكون بالقول والفعل والمعتقد والأخلاق والمعاملات واللباس فإذا استقام الإنسان استقام بصره وسمعه ولسانه. Donc il dit, Cheikh l'Islam a également écrit un livre qui s'appelle l'Istikama. Car l'Istikama se trouve dans différents domaines, comme la parole, les actes, dans la croyance, dans le comportement, dans les échanges, dans les vêtements. Et que si la personne se voit droite, alors il en sera de même pour sa vision, son ouïe et sa langue. Et là, c'était un hadith que nous avons déjà pris auparavant, dans lequel j'avais un doute dans l'introduction, mais en fait, il n'y avait rien. C'est moi qui m'étais trompé. Il dit, « Ma min yomin yusbihu l'abdu fihi wa illa l'arda ou tukaffiru l'lisan taqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bik » فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا ثبت هذا من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا عن الترمذي فضد الاستقامة الاعوجاج والاعوجاج مبعود وبلا التوفيق. Donc là il dit le hadith que nous avons cité rapporté par Abi Saïd al-Khudri. Du moins selon Abu Sa'd al-Khudri, rapporté par Tirmidhi, où il dit qu'il n'est pas un jour qui ne se passe pour le serviteur sans que ses membres, yani, là c'est bien tout kafir. Dans l'autre cours, j'avais un doute, c'est bien tout kafir. Yani, dans le fait que les membres là contestent la langue, la démentent. On ne va pas dire la rendre mécréante, parce qu'à la base, kafara yu kafiru, c'est le fait de rendre mécréant. Mais là, ça va être un autre sens. Toujours est-il que le verbe, c'est kafara, c'est le bon verbe. Donc, c'est les membres contestent la langue en lui disant, crains Allah en nous. Car nous faisons partie de toi. Hein, nous faisons partie de toi. C'est-à-dire, nous suivons. Car si tu te tiens droit, nous le saurons aussi. Hein, si la langue se tient droite, les membres suivront. Et que si jamais tu te tords, alors nous aussi. Donc le shir dit par rapport à ce hadith que le contraire, l'opposé de la droiture, c'est le fait d'être tordu. Ça c'est connu. Une chose droite, son contraire, c'est une chose qui sera tordue. Il y a une chose qui sera tordue. Courbée. Hein. Le contraire de la droiture, c'est la courbure. Le fait d'être tordu. Et le fait d'être tordu, d'être courbé, est une chose détestable. Hein? C'est une chose qui est détestable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah nous a demandé quoi ? Fastaqimu ilay. De nous tenir droit par rapport à lui. Et non pas courbé ou tordu. Et là, le shir achève ce hadith en disant Wabilal tawfiq. Et il ne faut pas oublier également la fameuse parole de Shir al-Islam Taymiyyah, rahmatullah alayhi, où il dit que le plus grand des miracles sur le serviteur, c'est qu'il vive sur la droiture et qu'il meure dessus. Plus grand que voler dans les airs, marcher sur l'eau ou ce genre de choses. C'est le fait qu'il vive sur la droiture et qu'il meure dessus. C'est le plus grand des miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs en ce bas monde. Non. Là, nous allons prendre le deuxième hadith, qui est, lui, le 22e. Vous voyez, al-hadith wa thani ishrun. Donc, قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لي بكريب. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. طيب. Donc il dit dans le sens du hadith que un Norman Nukaukal se rendit auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui dit au messager d'Allah, vois-tu si j'accomplis les salats prescrites, obligatoires, et que je rends licite, que je rends haram ce qu'il est, et que je rends licite ce qu'il est. Et là, ils ont oublié de donner le hadith ou Asuma Ramadan ou Ahujj al-Bayt. Normalement, il y a également Asum Ramadan, que je jeûne le mois de Ramadan et que j'accomplis ce pèlerinage. Je fais le Hajj. Mais là, dans le hadith, là, dans le livre, là, ils ne l'ont pas mis. Mais cela fait partie du hadith. D'accord ? Cela fait partie du hadith. Ou Asum Ramadan ou Ahujj al-Bayt. Est-ce que je rentrerai au paradis ? Ou Ala Azid Azalik Hashem. Il dit également, là, le hadith n'est pas mis complètement. Il dit Ou Ala Azid ou Ala Azalik Hashem. Elle, Atrulu Jannah, et que je ne rajoute rien à cela. Est-ce que je rentrerai au paradis ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Naam. Il dit oui. Donc la personne vient là, interroge que s'il accomplit les cinq piliers sans rien rajouter, est-ce qu'il entrera au paradis ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Naam. Donc là, apparemment, ce serait plutôt une version du hadith. Une version du hadith, comme le cheikh a cité, car dans d'autres versions, il est venu en entier. Dans d'autres versions, il a été cité les autres piliers de l'islam. Un instant. Donc en fait, Naam, dans ce hadith que Shir a rapporté là, en fait c'est le Hajj. Comme il va le dire, c'est le Hajj qui n'est pas cité. Le Hajj n'est pas cité dans ce hadith. Mais lui, là, dans la version qu'il a apportée, il n'a pas cité non plus le Ramadan. Et que Ramadan, à la base, dans le hadith rapporté par Muslim, il a été dit. Donc il dit, Lam yathkur fi hadha al-hadith ba'd arkan al-islam. Qu'il n'a pas cité dans ce hadith certains piliers de l'islam. C'est-à-dire le hajj et la zakat. Non, le hajj et la zakat n'ont pas été cités dans ce hadith. Je vais oublier. La zakat aussi. Mais Ramadan, lui, si vous avez le matn Arba'in Nawawi, vous trouvez que dans le hadith, il a dit « Wasumtu Ramadan » que chien n'a pas, du moins que dans ce livre-là, il n'a pas été mis. « Yustafadu min al-arkan min adilla ukhra » et que l'on peut, là, c'est pas ce qui est écrit. Attends, je crois que là, pareil, il y a une faute de frappe. Apparemment, une faute de frappe. Il écrit Laqina. Mustafa de Laqina de Zalika, Nadilat Ukhara. Khay, Inch'Allah. On saute cette ligne. Il dit Walakin al-Nabi, Wakan al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, yaskuru li kulli insanin ma yaqtadi haluhu. Faiza sa'alahu an shay'in, ijabah, ajab alayhi. Ou ajab an. Donc, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, lorsqu'il était interrogé par une personne, lui répondait en mesure du besoin. Ça, c'est une chose que nous avons déjà citée auparavant, qu'il se peut que plusieurs hadiths soient venus, que des gens lui demandent quelque chose. Par exemple, dans un hadith, Aousini, quand elle est la tardob. Dans un hadith, quelqu'un lui a demandé, recommande-moi, il lui dit quoi, ne te mets pas en colère. Dans le hadith que nous avons pris avant, hein, Kulli fil islam, shay'an, la as'aluku, ou la as'aluhu, anhu, ahadan ghayrak. Dis-moi une chose dans l'islam, dont je n'aurai besoin d'interroger personne d'autre en dehors de toi. Il lui dit quoi? Kul amintu billah mastaqim. Il lui dit quoi? Crois en Allah, dis je crois en Allah, et tiens-toi sur la droiture. Et là également, cet homme vient lui poser une autre question, et lui répond, en fonction de sa demande. Donc, en fonction du questionnaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnera une réponse qui variera en fonction de la situation. Même si la question est la même, il répondra en fonction de ce qui est nécessaire. Donc, il dit فَالنَّوَوِيُّ رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ حَرَمْتُ الْحَرَامَ اي اعتقدت حُرْمَتَهُ وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ اعتقدت حِلَّهُ. Donc le Nawawi dit quoi par rapport au hadith lorsqu'il dit « haram tul haram » que je rends illicite, illicite. C'est le fait d'avoir pour croyance qu'il est licite. « Wa ahlal tul halal » c'est le fait de rendre, d'avoir pour croyance que ce qui est licite est licite. Non. Mais d'autres savants, eux, ont dit quoi? On dit ce que Nawawi, rahimahullah ta'ala, il a dit, ont ajouté « haram tul haram wa jtanibu » que je rends haram ce qui est haram et que je m'en éloigne. Wa ahlaltu al-halal, que je rends licite halal, halal ce qui est halal, hein, et que j'agis en conséquence, pareil, que je le prends ce qui m'est permis, que je prends ce qui m'est permis. Non. Wa fi hadha al-hadith anna man hafaza 'ala al-fara'id fa huwa min an-najihin. Et ce hadith démontre que celui qui préserve les obligations est parmi ceux qui réussissent. Qala ta'ala ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Donc il dit dans le sens, et nous avons fait hériter le livre à ceux que nous avons élevés parmi nos serviteurs, parmi eux ceux qui sont injustes envers eux-mêmes, et parmi eux ceux qui sont modérés envers eux-mêmes, et parmi eux ceux qui vont de l'avant. Donc là, le chef est inversé, mais il n'a pas de lien avec le sujet. Ça doit être une erreur également. Donc on le passera, Inch'Allah. Donc il dit وَالْظَالِمُ النَّفْسِيَ الَّذِي يَقْتَدِفُ الْلَمَمْ وَالْمَعَاسِ وَهُوَ مِنْ أَلِ التَّوْحِيدِ وَالْمُقْتَصِدَ الَّذِي هُوَ مِنْ أَلِ التَّوْحِيدِ وَيَقْتَصِرُ عَلَى الْوَاجِبَاتِ وَلَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّوَافِلِ وَالسَّابِقُ بِالْخَيْرَاتِ وَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ النَّوَافِلِ فَكُلُّهُمْ مِنْ مَنْ اصْطَفَاهُمُ اللَّهُ وكلهم ممن أورثهم الله الكتاب وكلهم من أهل الجنة بنص هذه الآية الصلوات المكتوبات هي الصلوات الخمس. سبعة عشر ركعة في اليوم والليلة، هذا إن كان مقيما، وأما إذا كان مسافرا فيصلي 11 ركعة. Donc il dit, ceux qui sont, c'est-à-dire que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala a divisé ses serviteurs en trois catégories. Zalimu le nefsi, c'est-à-dire celui qui est injuste envers lui-même, et celui qui commet des désobéissances, des péchés, mais qui est toujours parmi les gens de Tawhid. D'accord ? Il est parmi les gens de Tawhid. Deuxième catégorie, ceux qui sont modérés, ou plutôt, quand on dirait modéré, pas modéré, c'est pas un bon terme, modéré. Parce qu'on pourrait croire qu'ils sont le juste milieu entre eux. Les gens qui ont, on va dire la deuxième catégorie, parmi les gens de Tawhid, c'est ceux qui se contentent, voilà, ceux qui se contentent d'accomplir les obligations seulement, hein, et ne font pas beaucoup d'actes surrogatoires. Et ceux qui se devancent et qui s'élancent vers les bonnes actions, ça c'est la troisième catégorie, hein, c'est la troisième catégorie, ce sont ceux qui font beaucoup d'actes surrogatoires, de nawafil, et également bien entendu qui font les actes obligatoires, s'il n'y a pas de doute. Donc tous sont parmi les gens que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et élevé. Et ils sont tous ceux qui ont hérité du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont tous parmi les gens du Jannah, comme le stipule ce verset. Et que les salawat prescrites, le terme as-salawat al-maktoubat, ce sont les salawat quotidiennes, les cinq. Al-Dhuhr, wal-Asr, wal-Maghrib, wal-Isha, wal-Fajr. C'est-à-dire 17 raka'at de jour et de nuit, pour celui qui est résident. Quant à celui qui est voyageur, lui c'est combien ? Il rassemble et il raccourcit. Lui ce sera combien ? 11 raka'at. Hein ? Car le Maghreb, il restera sur 3. Le Fajr, il restera sur 2. Et les autres, au lieu d'en faire 4 raka'at, il n'en fera que 2. Tout en rassemblant. Naam. وفيه فضيلة المحافظ على الواجبات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه والحديث طيب. Donc il dit, ce hadith démontre également la vertu et le mérite de celui qui perdure et qui persévère sur l'application des obligations. Comme le dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rapporte de son Seigneur, c'est-à-dire un hadith Qudsi, qui lui-même sera dans l'Arba'in Nawawi, il dit, que Allah dans le sens, il dit, que mon serviteur n'a de cesse de se rapprocher de moi, ou de se rapproche de moi par une chose plus aimée auprès de moi, que parce que je lui ai rendu obligatoire, hein, ce que je lui ai imposé. Cela démontre que les actes obligatoires sont les actes préférés auprès d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith lui-même, est dans l'Arba'in Nawawi, il viendra plus tard, inshallah ta'ala. Qawluhu wa sumtu Ramadan. Donc là, c'est une partie justement, cela démontre qu'il y a eu une erreur d'édition, car le Shia lui cite le fait de jeûner le Ramadan, et que là, dans le hadith, au début du matn, dans son charh, il n'y est pas. Cela démontre qu'il y a une erreur dans le livre, et pas de lui. Non, donc il dit la partie « Wasuntu Ramadan », que je jeûne le mois de Ramadan, que je jeûne le Ramadan. « Hadal hadith yadullu ala botlan hadith et abi Hurayra. La takulu Ramadan, fainna Ramadan asma illa. Fa hadal hadith » في سنده أبو معشر السندي ضعيف وهو أيضا منكر يعارض الأحاديث الصحيحة. Donc il dit que ce hadith, le fait de dire je jeûne en Ramadan, c'est un hadith justement qui démontre la fausseté de notre hadith qui est venu, apporté par Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit ne dites pas Ramadan, mais dites pas Ramadan, car Ramadan n'est pas mis le nom d'Allah. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Qu'il ne faut pas dire je jeûne Ramadan. Car Ramadan, c'est le nom d'Allah. Donc là, on voit que ce hadith-là n'est pas authentique, comme le démontre celui-ci. Celui-ci dit quoi ? Wa sumtu Ramadan, que je jeûne Ramadan. Donc on peut le dire. Tu n'es pas obligé de dire je jeûne le mois de Ramadan. Tu peux dire je jeûne Ramadan. Tu peux dire les deux, le mois et Ramadan. D'accord ? Les deux sont permis. Car des gens ont vu ce hadith comme étant authentique et disent qu'il n'est pas permis de dire du jeûne Ramadan. Non. Et qu'il n'y a pas de hadith ou de preuve authentique qui démontre que Ramadan soit un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc il dit Qawluhu wa ahlaltu al-halal wa haramtu al-haram. Que je rende licite le licite et que je rende illicite l'illicite. Hein? Que je rende halal le halal, que je rende haram le haram. مفهوم هذا أن من لم يحل الحلال ويحرم الحرام فليس من الناجحين. Donc il dit, on comprend de cela que celui qui ne rend pas permis ce qui est permis et qui ne rend pas interdit ce qui est interdit ne fait pas partie des gens qui réussissent. وأهل العلم يقولون من استحل شيئا معلوما من الدين بالضرورة كفر. وهذه قاعدة أو حرم شيئا أحله الله مثل الخبز واللحم الطيب هذا اعتداء على شرع الله عز وجل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال تعالى لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم. Donc il dit que les gens de science ont une règle établie qui est que celui qui rend illicite, ou plutôt le contraire, celui qui rend licite une chose que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu haram et que cela est connu hein, par la daroura dans la religion, une chose qui est incontournable dans la religion, que celui-là aura mécru. Par exemple, quelqu'un qui vient qui dit que le fait de voler est permis. Ça, c'est une chose, en religion, c'est connu. Bid daroura. Ou que le fait de délaisser la salate, par exemple, également, c'est permis. Ou que le fait de faire zina, c'est permis. Il s'agit là de choses qui sont connues et incontournable dans la religion qu'elles sont interdites. Donc celui qui vient et qui dit que cela est permis, hein, celui-là aura mécru. Et que celui qui aura rendu illicite des choses que Allah a rendu licite, que cela est une atteinte à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens où Allah il dit, ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses que nous avons octroyées. Et il dit également, dans le sens, et n'interdisez pas les bonnes choses que Allah vous a rendues licites. Donc celui qui rend illicite comme le pain ou la viande et ce genre de choses, lui, ça sera, aura offensé la religion. Comme certains, par exemple, parmi les Ikhwan musulmans, qui eux disent qu'il n'est pas permis de boire du Coca-Cola. Par exemple, je ne sais pas si ce phénomène existe toujours en France, mais avant il y avait ça, car Coca-Cola, pour eux, est une entreprise juive et qu'elle aide les juifs contre la Palestine. Donc ils disaient qu'il n'était pas permis de boire du Coca. Et là, il n'y a pas de dalil là-dessus. Tu les vois, ils interdisent de boire du coca, et pourtant ils vont porter des jeans, des costards, des trucs, tu vois, que les juifs y font. Porter des Nike, qui Nike est le nom d'une déesse grecque, hein, ou porter ce genre de choses, et tu vois le voir, il va dire, ouais, moi le coca, je bois pas. Complètement contradictoire. Non. Donc il dit, Al wajibu ala muslimi an la yatashaddad fi dinillahi, fa yuharrimu ma ahal Allah, wa an la yatasahal, fa yuhillu ma haram Allah. فإن الناس بين إفراط وتفريط ووسط هم الحق أهل السنة يلازمون الأدلة والإفراط كما ذكرنا في الخوارج ومن كان من بابهم ممن يتشددون ويحرمون ما أحل الله تعديا وهم بهذا متشبهون باليهود فاليهود أيضا حرموا ما أحل الله. Donc il dit qu'il est obligatoire pour le musulman qui n'exagère pas dans la religion d'Allah, hein, qui n'outrepasse pas les limites, qu'il n'outrepasse pas les limites, dans le fait qu'il rende interdit une chose que Allah a rendue permise, et également qu'il ne soit pas laxiste, du fait qu'il rend permis une chose que Allah aura interdite, également. Car les gens sont entre deux niveaux, entre excès et négligence, hein, excès et négligence. Mais le juste milieu sont les gens de la vérité, les gens de la sunna. Car eux, ils s'accrochent aux preuves. Hein? Eux, ils s'accrochent aux preuves. Car les gens de la sunna, eux, s'accrochent aux preuves. Et que par exemple, l'excès, c'est une caractéristique qui a été trouvée chez les Khawarij, ou ceux qui y ressemblent. Car ils sont durs du fait qu'ils interdisent ce que Allah aura rendu permis. Et comme nous l'avons dit, les Khawarij, aujourd'hui, on les trouve chez qui? Chez les Ikhwan Muslimin. Hein? Car, par exemple, Al-Qa'ida, ce qu'ils appellent Al-Qa'ida, là, avec leur prononciation française, c'est une branche des Ikhwan Muslimin. Donc, ils interdisent que Allah a rendu permis de façon. Comment dirait-on cela? Avec animosité. Et ta'addi, on dirait comme ça. Et qu'en cela, ces gens-là ressemblent aux juifs. Car les juifs sont des gens qui ont interdit ce que Allah a rendu permis. Allah, dans le, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَبِظُلْمِنَّ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِ مَا أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِسُدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْنُهُ عَنْهُ وَأَكْلِمُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. Donc il dit, pour l'injustice commise par les gens, par les juifs, nous leur avons interdit les bonnes choses qui leur ont été permises, qui leur ont été rendues permises auparavant. Pour le fait qu'ils, en, qu'ils obstruent énormément le sentier d'Allah. Et qu'ils prennent l'usure, le riba, alors que cela leur a été clairement interdit. Et qu'ils mangent injustement l'argent des gens. فاليهود يحرمون ما أحل الله باعتدائهم وبظلمهم حرم الله عليهم الشحوم. Donc il dit du fait que les juifs aient rendu illicite que Allah a rendu licite, hein, par leur animosité et pour leur injustice, Allah lui leur a rendu illicite des choses qui leur étaient licites, comme par exemple les graisses animales. Hein, les graisses animales leur ont été rendues interdites. Pour leur grand nombre d'injustices et d'infractions à la religion, et leur excès et leur tyrannie envers les gens. Non. Et de là, s'achève le hadith, du moins l'explication du hadith du Shir, elle faisait que deux pages, elle était courte. Non. Donc le premier hadith c'était le 21e qui est rapporté par Sofiane ibn Abdillah al-Thaqafi lorsqu'il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire une chose en islam qu'il n'aura pas interrogé autre que lui par la suite. Il lui dit, je crois en Allah et tiens-toi sur la droiture. Qul amantu billah thumma istaqim. Et le deuxième, qui est le 22e hadith, qui était que Nu'man Nukawkal dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vois-tu si jamais j'accomplis les salats prescrites et que je jeûne le mois de Ramadan et que je rends licite l'illicite et que je rends licite l'illicite, est-ce que je rentrerai au paradis? Il lui dit oui. Donc cela qui vient nous démontrer que les actes, celui qui accomplit les actes obligatoires, cela, Inch'Allah, est une cause qui le fera rentrer au paradis. Cependant, il faut toujours persévérer et rajouter des actes surrogatoires en guise de protection pour les actes obligatoires. Car le jour où tu auras une baisse de foi, si jamais tu n'es pas habitué à faire des actes surrogatoires, eh bien ce sont peut-être les actes obligatoires qui, eux, en subiront les conséquences du fait qu'il se peut que tu délaisses une chose obligatoire. Non. Donc pour préserver cela, mettre les actes surrogatoires comme protection des obligations. Non. فبيا ذا القدر نكتفي ونقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.